Gabonne, bonsoir. Et bienvenue à Oulala Musique. Point faible, et c'est d'être habité. Esta semana estaremos con el bleu marine, el azul marino. El azul marino de la Marine Le Pen. Y pasaremos pues todas estas canciones que por desgracia se han hecho en contra de esta ola azul marina. Pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée. Es verdad que son bonitos todos estos pueblecitos, todas esas villas, esas aldeas, esos lugares, esas ciudades, con sus castillos, sus iglesias. Sus playas solo tienen un punto de vida, es estar habitadas, habitadas por gentes que miran el resto con desprecio desde lo alto de sus murallas, la raza de los patriotas, desportadores de estandartes, los felices imbéciles que han nacido en alguna parte. Malditos sean estos hijos de su madre patria, y amparaos de una vez por todas en sus campanarios, pues os enseñan sus torres, sus museos, sus ayuntamientos. Os enseñan su país natal hasta haceros bisquear, que sean de París o de Roma o de Sète, o del Quinto Pino o bien de Zanzibar, o incluso de Moncu. Se jactan, caramba, a los felices imbéciles que han nacido en ninguna parte. La arena en la que sus sensibles avestruces hunden la cabeza, no la hay más fina. En cuanto al aire que emplean para llenar sus tripas, sus pompas de jabón, es un soplo divino. Y poco a poco, he aquí que se convencen de que hasta el estiércol hecho por sus caballos, aunque sean de madera, le dan envidia a todo el mundo. Los felices imbéciles que han nacido en alguna parte. No es un lugar común el de su nacimiento. Compadecen de todo corazón a los pobres desgraciados, a los pequeños desafortunados que no tuvieron la presencia de espíritu de ver la luz entre ellos. Cuando suena la alarma sobre su felicidad precaria contra los extranjeros, todos más o menos bárbaros, salen de su agujero para morir a la guerra. Los felices imbéciles que han nacido en alguna parte. Dios mío, qué feliz sería la tierra si sobre ella no se encontrase esta raza incongruente, esta raza inoportuna y que abunda por todas partes. La raza de la gente del terruño, de la gente del lugar. Qué hermosa sería la vida siempre si no hubieses sacado de la nada estos tontos. Prueba quizás definitiva de tu inexistencia. Los felices imbéciles que han nacido en alguna parte. Georges Brassens. La balade des gens qui sont nés quelque part. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages. Ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. vieux vous font voir du pays natal jusqu'à loucher. Qu'ils sortent de Paris, ou de Rome, ou de Sète, ou du diable Vauvert, ou bien de Zanzibar, ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. D'autres cucuches enfouissent la tête, on trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leur baudru cucuche. Leur bulle de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du curu. Que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant les chobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Ahí estamos de vuelta con unos fallos técnicos. Ahí la tecnología y yo. Y pues eso, estamos con esta ola azul marina esta semana, Azul a la Musique. Estáis escuchando, sintonizando 107.fm de las ondas libres bilbaínas o en el www.sindominio.net/Irola. Y vamos a empezar con los temas Bleu Marine, claro, que tenemos unos cuentos. Y vamos a empezar por hoy Fredog, que es el cantante de Les Ogres de Barbac. Y con Polo, que es más un cantante que canto con Les Satellites, para los que quieren buscar ahí, que hace muchas canciones implicadas infantiles. Muy interesante. Polo, P-O-L-O. Y ahí dice un poco el principio del tema Bleu Marine. Los tiempos son azules marinos. ¿Oyes? Aquí, ahí las voces de la razón resuenan unas tristes constataciones. Niñas de la depresión, juventud de perdición. De todas vuestras angustias, aquí está la solución. Sobre Radio Azul Marina, de la tarde hasta la mañana, la canción Azul Marina nos repita su estribillo. El pensamiento azul marino de antes de mayo 68, que se limita en encontrar que el tren va demasiado deprisa. La historia es azul marina de sabios historiadores un poco revisionista, pero sabiendo griego y latino. Han remontado el tiempo de antes del rey Luis XVI para contar los puntos negativos de la Revolución Francesa. La filosofía azul marina os habla de Rousseau como se habla de un ogro o de un viejo cabrón. Insulta todavía a Voltaire de demonio satánico y discute ciertas leyes de la matemática. ¿Qué te imaginas? Las ideas azul marinos no son de ayer. Bajo el abrigo de invierno de la noche azul marina. ¿Qué te imaginas? Las ideas azul marinos han existido siempre. Y las palabras azules marinas son las palabras del pasado. Eso esperamos. Ahí. Les voix de la raison résonnent de tristes constats. Enfants de la déprime, jeunesse en perdition. De toutes vos détresses, voici la solution. Sur Radio Bleu Marine, du soir jusqu'au matin, la chanson Bleu Marine nous serine son refrain. La pensée Bleu Marine d'avant mai 68, qui se borne à trouver que le train va trop vite. L'histoire est Bleu Marine, de savants historiens, un peu révisionnistes, mais sachant grec et latin, ont remonté le temps d'avant le roi Louis XVI pour compter les méfaits de la Révolution française. La philo Bleu Marine vous parle de Rousseau comme on parle d'un ogre ou d'un vieux saligaud. Elle traite encore Voltaire de démon satanique et conteste certaines lois de la mathématique. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu t'imagines? Les idées Bleu Marine ne datent pas d'hier, sous le manteau d'hiver de la nuit Bleu Marine. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu t'imagines? Les idées bleues marines ont toujours existé. Et les mots bleus marines sont les mots du passé. Ces écrivains bleus marines, friands de bagatelles, férus de Brasillac et de Drieux, La Rochelle, qui de l'air entendu de ce qui va sans dire, prétendent mes enfants que vous ne savez plus écrire. Ces poètes bleus marines, à l'air désabusé, triste rat de coquel aux cheveux argentés, terrassé par l'ennui et le pâté en croûte, qui pète dans leur lit et sanglote sur leur déroute. Journalistes marines, aux curieux pédigrés, qui écrivent des listes et ressortent de vieux dossiers sur l'Algérie française, le temps des colonies, qui ont toujours sur eux l'adresse d'un ancien nazi. Marine d'astrologues qui prévoient le destin, et de cartomanciennes lisant les lignes de la main, de mathématiciens qui calculent la dèche, de grands amis des chiens qui prônent la chasse et la pêche. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu t'imagines? Les idées bleues marines travaillent du chapeau, tant clair que le drapeau dans la nuit bleue marine. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu t'imagines? La saison bleu marine est déjà dépassée, et les mots bleu marine sont les mots du passé. Dynastie bleu marine, famille aux cheveux blonds, qui comptait les euros cachés aux chauds sous les bredons. Crustacés politiques, crabes dans leur panier, saumâtre rhétorique d'arguments prêts à penser. Énarque bleu marine, dévoré d'ambition, rompus au syllogisme de la communication. Grand patron bleu marine, au bleu regard d'acier, amateur de cantiques et des sermons de vieux curés. La rue est bleu marine, flotte de marins louches, bleu marine armada faite de branches et de souches. Bâtiment de poivreaux, flottille de quartier, France des braves gens qui craignent Donald et Mickey. Marée sécuritaire, haro sur le volet, police bleu marine, triée sur le volet. Brute de toute espèce, trogneuse à faire frémir, toutes les fortes têtes n'ont plus qu'à bien se tenir. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu t'imagines? Les idées bleues marines qui sonnent le carême seront les chrysanthèmes de nos nuits bleues marines. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu t'imagines? Cortège bleu marine de notre mise en pierre, quand les mots bleues marines sortent du cimetière. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu t'imagines? Mort vivant bleu marine, dans la nuit bleue marine, de tes rêves. On y crève. Redogre et Polo, Bleu Marine. Y seguimos en Hola la Musique. Pues eso, su FN y su Marine Le Pen. Pues eso, un poco de explicación. Desde su llegada a la presidencia del partido en enero 2011, la Marine ha hecho esfuerzos por moderar poco el discurso de su padre fundador del partido, el Jean-Marie Le Pen. Nuevo liderazgo, nuevo partido. Se trataba de mostrar que ella no es ni racista, ni xenófoba, ni antisemita, etcétera, etcétera. Al menos no tanto como su predecesor. Esos esfuerzos, para algunos puro teatro, de esta abogada de 47 años, se remontan a 2005 ya. Entonces, en calidad de vicepresidenta, se enfrentó a su padre. Quien, entre otra cosa, que afirmó que la ocupación alemana no había resultado tan inhumana, o los campos de concentraciones era solo un detalle de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la campaña electoral para estas, las últimas regionales, ¿no?, llegó precedida de una especie de culebrón que captó durante semanas la atención de los medios y de todo el mundo, ¿no?, que ponía punto final a esa estrategia de diabolización, por emplear el término utilizado en el hexágono. El desencadenante, una enésima provocación de Jean-Marie Le Pen, esta vez elogiando la figura del mariscal Pétain. Entonces, su hija inició un proceso que terminó con la expulsión definitiva de su padre del Frente Nacional. El conflicto familiar sirvió a la actual presidenta azul marina para sellar la supuesta mutación de la que ella es el líder absoluto ahora mismo. Y pues llegaron los atentados como regalo electoral para ellos. La violencia terrorista justificó a ojos de los dirigentes de la ultraderecha un discurso mucho más agresivo sobre la inmigración. En cierta manera, el discurso quedaba avalado por los hechos. Y aparte del 13 de noviembre pasado, el año anterior, la campaña del Frente Nacional pues dejó al margen las cuestiones económicas y se centró en la cuestión de las fronteras, apelando al patriotismo. Pues vamos con un tema que se llama también, pues para cambiar hoy, Bleu Marine, claro, del Majestic, un tema ahí reggae, raga. Es un extracto del mixtape del Libre Penseur, Libre Pensador, que está en preparación y que estará o que en descarga gratuita en internet. Ahí podéis buscar, pues, por no decir nombres en YouTube, Majestic con K, con J y K, Majestic Bleu Marine ahí. Y ahí va el tema. Babylon System. Ça devient de plus en plus dur pour manger dans un système qui est devenu enragé. On enlève nos droits pour avaler la dragée. Y'a plus rien pour les jeunes les plus plus âgés. Ça devient de plus en plus dur pour manger dans un système qui est devenu enragé. On enlève nos droits pour avaler la dragée. Y'a plus rien pour les jeunes les plus âgés. C'est restriction totale, plus rien n'est normal. Tout augmente de manière banale. Ceux qui nous dirigent ont un esprit vénal. On nous entraîne dans un esprit communautaire. Attention à ne pas détester ton frère. À entrer dans un mode de pensée bleu marine. Nous parle d'insécurité juste sur nos origines. Devient de plus en plus dur pour manger dans un système qui est devenu enragé. On enlève nos droits pour avaler la dragée. Y'a plus rien pour les jeunes les plus âgés. Ça devient de plus en plus dur pour manger dans un système qui est devenu enragé. On enlève nos droits pour avaler la dragée. Y'a plus rien pour les jeunes les plus âgés. Leurs mauvaises ondes pullulent. Beaucoup d'entre eux ont avalé la pilule. Si on ne fait rien pour que ça recule, sommes-nous tous des moutons bien des mules. Leurs mauvaises ondes pullulent. Beaucoup d'entre eux ont avalé la pilule. Si on ne fait rien pour que ça recule, sommes-nous tous des moutons bien des mules. Ahí era. Y esto se lo puedes encontrar, pues, por los que les gustan. Facebook. Míralo en su página Zik Influence. Zik Influence. Y hay un montón de cosas sobre los esta producción del movimiento de colectivo de raperos. Y vamos a seguir con otro rapero de Bélgica, DJ Human. Ya tiene sus 20 años de escena. Ahí desde el rap al reggae, al raga. Es un artista muy popular ahí en Bélgica sobre todo. Pero se oye mucho en Canadá, en Quebec o en Francia también. Muy implicado políticamente y vamos, ahí, seguimos directo con Human y Bleu Marine. Oh, original Human, dance soul punk out of Belgium, original soldat. La France est malade, elle a le teint bleu marine, elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleu marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. La France est malade, elle a le teint bleu marine, elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleu marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. Elle fait son lit, dans la culture de la peur, elle fait son beurre. Dans de soi-disant valeurs, dans le sens du poil, elle caresse l'auditeur. Elle pointe du doigt, traite tout le monde de menteur. Et les autres la suivent, nous parlant d'insécurité, de leur identité et des vagues d'immigrés. Ils nous menacent de tous les dangers et nous promettent que ça va s'arranger. La France est malade, elle a le teint bleu marine. Elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleu marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. La France est malade, elle a le teint bleu marine. Elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleu marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. Ils jurent, ils insultent, ils accusent. Ils bafouent, ils piétinent, ils abusent. Le fascisme a trouvé sa muse, pleine de morve, de haine et de ruse. Leur seul fond de commerce c'est la haine. Quand ils parlent, ils en sèment les graines. Ils font mouche, réaction en chaîne. Le pays des droits de l'homme est atteint de gangrène. La France est malade, elle a le teint bleu marine. Elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleu marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. La France est malade, elle a le teint bleu marine. Elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleu marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. La langue de Molière n'est plus qu'une langue de bois. Une langue dont on sert pour faire feu de tout bois aux élections. Ça se transforme en voix et puis un jour, ça finira en loi. Il est loin le temps des cerises. La liberté, l'égalité ont fait leur valise. Quant à la fraternité, à ce qu'on m'a dit, elles balisent d'ici peu. Elles seront brunes les chemises. La France est malade, la France est malade. La France est malade, elle a le teint bleu marin. La France est malade, la France est malade. La France est malade. La France est malade, elle a le teint bleu marine. Elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleue marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. La France est malade, elle a le teint bleu marine, elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleue marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. Kick them off, kick them off, kick them off, les bambous, kick them off. Kick them off, kick them off, kick them off, les fachos, kick them off. La France est malade, elle a le teint bleu marine, elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleu marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. La France est malade, elle a le teint bleu marine, elle a sans doute oublié qu'on avait tous le sang rouge. C'est pas une terre d'accueil, il faut y montrer pas de blanche. La France bleu marine, soit elle t'aime, soit tu bouges. Original human dance, soul fun, quand t'as belle chance. Big up tous les dance, soul massif de France et des dom-dom. Résistance, missé. Y estaba el Human, nuestro rapero belga, y Bleu Marine. Vamos a seguir con la cantante, una rapera también que fue un poco polémica, bueno, o no, pero es Jams. Salió un tema hace unos años que se llama Marine también. Una rapera cantautora de origen griego chipriota. Pues un poco de historia. En 98 pues firmó con Universal Records. Sí, sí. Y de ahí pues sacó discos y discos que se vendieron ahí a tope en Francia. Y pues claro, muy implicada en sobre el derecho de la mujer un poco y contra la extrema derecha, muy implicada. Llegó a vender su disco en 2006 en Dans ma bulle a 1 millón de copias vendidas. Y eso pues claro, le hizo perderse un poco y no supo ahí gestionar el triunfo, vamos a decir. Una conjunción de factores de crisis. De ella, ¿no? Con sus cosas y hizo que se volvió a la religión y se convirtió al Islam para salvarse un poco de todo esto, que como comentó ella, que la medicina no la podía salvar, ¿no? Y ahora pues anda con la burka puesta y ahí ha dejado ya la carrera musical, ¿no? A finales de 2012. Así. Pues sigue James por su activismo, con su activismo político, tanto bueno, en sus letras como eran, ¿no? Pero también ahora llama a la gente, ¿no? A votar en contra de la extrema derecha, va. Pero hay algo curioso, la Jams ahí. Pero a escuchar este tema, pues, a las que gusta. Y ahí va a encontrar la Marine. Y tenía una rabia cuando escribía. Era muy guapo. Y ahí va el tema de James y Marine. C'est que t'y es pour quelque chose, t'as tout fait pour que ça foire. Marine, dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage. Marine, pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes. Marine, un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange. Mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici. Marine, Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde. Génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix. Marine, tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui. Pensez que le plan ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je vais. Et plus je proteste et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National, moi j'emmerde. La haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen. N'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable, Marine. J'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National, moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National, moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National, moi j'emmerde. J'accuse le nationalisme érigé en front commun de pensée, de comportement. La jams en un en concierto, pero acabando con un pues sí famoso en Francia de Jean-Merde, Le Front National, que viene de un estribillo de un tema de Berruyer Noir que era La Jeunesse en Merde, Le Front National, La Juventud en Merde, Le Front National jode al Front National. Un tema de finales de 80 que sigue de actualidad por desgracia y con eso pues seguimos con un tema que de uno que se llama Jamal Cabal en vivo Torapama Voix Sociopathe y tiene un blog ahí que se llama Torapama Voix, es como no tendrás mi voz, mi voto, un blog bastante muy anarquista, así, muy interesante también, que se puede ir a visitar si queréis. Entonces el tema ha hecho un remix ahí entre lo de Berruyer Noir y otras frases, otros discursos, y se llama lettre à Marine Le Pen, carta à Marine Le Pen, la jeunesse emmerde le Front National. Érigé en front commun de pensée, de comportement, et qui prône dans ses flatulences héros-ponctuelles l'exclusion, la discrimination, la manipulation, la domination, l'exploitation, l'effraction. Allez, levez les doigts, tous les doigts. Alors, on vous fait confiance, plus jamais de 20%. Plus jamais, nous serons toujours cons. Rap a ma voix, ahí, tema en descarga libre, ahí, y invitan a compartir y hacerlo moverse, porque, como dicen, somos blancos, somos amarillos, somos negros y juntos, todos juntos, somos dinamita. Vamos a bajar de ritmo un poco, ¿no? Y vamos a ir con uno que se llama Quijote, con J y con K. Y ahí tiene, hace canciones entre swing, manouche, ¿no? Zingaro, ahí es manouche, swing. Y mezcla un poco a ritmos latinos, pero con eso pone letras bien, también bien implicadas ahí, bien políticas, o también le gusta la, hacer canciones así bromeantes, oníricos también. Y ahí vamos, hizo un tema que se llama, claro, como que no, Bleu Marine, Quijote. Si bien protégé qu'il peut plus rien lui arriver. Tu te permets le moindre écart, on te connaît direct au mitard. Moi depuis que je vois la vie en bleu marine, je reste tapis dans l'ombre, toujours peur de faire une mauvaise rencontre. Quatre fois broyé du noir, c'est carte blanche pour les bleus marines. Je viendra te causer au parloir quand tu te seras fait gauler pour délivrer sa dignité. C'est sa licence, ça fait peur aux braves gens. Moi, depuis que je vois la vie en bleu marine, je reste tapis dans l'ombre, toujours peur de faire une mauvaise rencontre. Y'a de quoi broyer du noir, c'est carte blanche pour les bleus marines. Viendra te causer au parloir quand tu te seras fait gauler pour des lignes de salmine. Mais... Et maintenant, à ma gauche, j'aimerais vous présenter l'homme de l'ombre. Monsieur Pierre Montel, un maximum de bruit, une ovation pour ce monsieur. À la grande cagnotte, on a topé chrono. Politico démago qui sait d'une prono. Alpha, je supporte bien, il sait faire faire une beauté. On vole les mains en ville de parti plus civilisé. On va te filer en pâture pour plus garder que les os. Que chacun soit un loup et qu'au milieu de la meute, le plus faible d'entre eux soit bouffé par les autres. C'est un peu crado pour le populo. Moi, depuis que je vois la vie en bleu marine, je reste tapis dans l'ombre, toujours peur de faire une mauvaise rencontre. Y'a de quoi broyer du noir, c'est carte blanche pour les bleus marines. Viens te causer au parloir quand tu te seras fait gauler. Moi depuis que je vois la vie en bleu marine, je reste tapis dans l'ombre, toujours peur de faire une mauvaise rencontre. Y'a de quoi broyer du noir, c'est carte blanche pour les bleus marines. Viens te causer au parloir quand tu te seras fait gauler pour des rires de salmine. Mais... Allez, bonsoir, à tout bientôt. Et merci beaucoup, ciao. Era Quijote, y desde que ve la vida en azul marina, todo es más difícil. Ahí, pues seguimos así, ya en Hierro de Gracia nos queda poco tiempo para poner los temas que nos quedan, así. Es Ulala y la Bleu Marine. Vamos a poner un tema de Melismel, una chica con una pluma muy rica de palabras y sensibilidad. Una voz muy potente que pone a mí personalmente la piel de gallina ahí a veces. Y lo que afila su obra, ¿no? Lo que la forja, pues, es su rabia y su militantismo también, ¿no? Podemos decir que ha tenido en herencia de Noir Désir o Leo Ferré o Mano Solo, ¿no? Con quien ha cantado varias veces ahí. Y parece también un poco al Jacques Brel en el escenario ahí, le da todo. Y pues eso, prefiere apostar con la ironía más que en la rabia, ¿no? En sus canciones trata de males de la sociedad moderna, como la exclusión, la ecología, injusticia, racismo, homofobia. Y por eso vamos a poner este tema de Melismel, este tema que se llama Bleu Marine, claro. Parler Mélismel et bleu marine. Francia Miami et Kansas. Si, c'est Irola y Ratia. Nos queda ya poco, poquito, poquito. Estáis en el 107 FM, en las ondas libres bilbaínas o en el www.irolasindominio.net para los y las que nos escuchan en directo desde el más allá. Y pues para acabar, un tema de Ridan, no sé si podemos, no será rapero, pero cantautor rapero, se mezcla un poco todos sus cositas ahí, hijo de inmigrante de Argelia. Y bueno, la verdad es que sí, la inspiración viene un poco a lo mismo que muchos de hoy también, de Renaud Brassens o Leo Ferré o Serge Gainsbourg o Jacques Brel también, ¿no? En las letras. Y hay bastante implicados como los que nos gustan pasar aquí, ¿no? Así que hay un último tema, vamos a poner a Ridan, que es nada más que su nombre en reverse, Nadir. ¿No? Nadir, será Nadir, sí. Y ahí se llama el tema Alessalo, porque ya no nos quedaba de tema que se llaman Blue Marine. Pero va por ellos, ahí. Alessalo, los cabrones, los gilipollas. Chante à la gloire de la victoire, tu perds fouettard. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire, de la mère facho. On l'a vu venir même d'un seul œil, l'enfant maudit du père cyclope, en s'écriant vivement dimanche, tournant les pages des dieux, le petit livre blanc. Y'a trop d'arabes dans mon pays, trop de musulmans, trop de pratiquants, pas assez de blancs, de bons chrétiens pour ramasser nos petites poubelles. On aime le vin, le saucisson, les vraies valeurs de la nation, que l'on marine dans la potion pour faire pâlir l'islam, pour faire pâlir l'islam. Les bonnes recettes du pot-au-feu que l'on cuisine dans notre histoire, même la Saint-Barth et la Shoah n'ont pas rendu ces gens moins sombres. Qu'on les opprime, qu'on les enferme dans leur ghetto comme dans leur camp, voilà ce que pensent nos dirigeants, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire, tu perds fouettard. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire, de la mère facho. Que l'on libère nos langues de pute, qui donnent la voix aux députés, à ces ministres qui chantent en chœur les pires chansons du front, les pires chansons du front. À ces penseurs par intérim qui crèvent l'écran à coups de haine et qui nous vendent à coups de peur tout le bonheur d'un père fasciste. Je veux vous dire comme je vous aime, je vous châtie de tout mon cœur, en espérant qu'un jour prochain vous vivrez comme des chiens, vous vivrez comme des chiens. J'ai trop d'amour pour ce pays, pour le lâcher entre vos mains, tout entaché d'une âme impure, je grave ces mots dans vos sillons. Allez chanter vos vieilles rengaines, vous esclaver de vos slogans, vous endormir sur vos prières pour que demain soit pire, pour que demain soit pire. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire, tu perds fouettard. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire, de la mère facho. Mais où sont-ils nos bien-pensants pour bâillonner la femme sans tête? Vos grands penseurs de l'Élysée ne sont pas dignes de France, ne sont pas dignes de France. Je dirai tout ce que j'ai sur le cœur et peu m'importe ce que ça me coûtera. La liberté en ligne de mire sera mon seul chemin de croix. Je vous salue, bande de salauds, vous et vos pères, les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons à rien, et vous les bons à rien. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire, du père fouettard. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire, la mère facho. Je vous salue, bande de salauds, vous et vos pères, les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons à rien. Ah, les salauds à los gilipollas, le clip qui dérange, miradlo en YouTube, vale la pena ver este videoclip de Ridan.